Bien bonjour et bienvenue à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne avec Lalonde des ondes, Marc Lalonde au micro. Toujours un plaisir d'être là à chaque semaine, comme ça, à vous offrir un 2 heures de musique franco-canadienne d'un bout à l'autre du pays. Et bien entendu, cette semaine, j'ai de l'excellente musique à vous offrir. Quiet Parade, Tommy Bolger, j'ai Johnny Blanchard. L'album de la semaine, on s'en va autre univers. Wise at Antagana. Du World Beat, assez intéressant, merci. On va entendre aussi le groupe Swing, le paysagiste André Varin. Il y aura Alexandra Strelitzky en instrumental, c'est vraiment quelque chose. Du côté de l'Ouest, j'ai entre autres du Jeremy and the Delicious Sound, du Sean Jobin, Alpha Toshineza et bien d'autres. Restez là, je vous reviens dans quelques instants, bien entendu, avec le Bloc des Maritimes à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne. Et oui, bien le bonjour, ici Lalonde des Ondes à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne. Très content d'être avec vous. Mais bien sûr, avant de commencer le Bloc des Maritimes, j'aimerais remercier des gens très très spéciaux qui me permettent comme ça de vous offrir un 2 heures de musique franco-canadienne. Merci à Vanessa Isabelle de l'Arc du Canada, merci beaucoup. Merci beaucoup aux directeurs et directrices de programmation des stations suivantes. CHMR Saint-Jean-Terre-Neuve-Labrador, CKJM Chéticamp, WFM 98 Halifax, CFA Baie-Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse, CKMA Miramichi Nouveau-Brunswick, CHUO, la radio de l'Université d'Ottawa, et CFRH, la radio francophone du comté de Simcoe de la région de Barrie en Ontario. Il y a Envol 91 Saint-Boniface au Manitoba, CFRG Gravelbourg, Saskatchewan, CILS Victoria Colombie-Britannique et CIVR Yellowknife Territoire du Nord-Ouest. Merci beaucoup de diffuser l'émission. Commentaires, suggestions, même contacts d'artistes francophones qui ont d'excellents produits en français ou instrumental. Ça tourne chez vous, ça tourne nulle part ailleurs, même pas à Canrock. Laissez-moi leurs coordonnées à canrockcdn@gmail.com. Je vais rentrer en contact avec eux, recevoir leurs produits et bien sûr, si possible, le faire tourner ici à Canrock. Allons-y avec le Bloc des Maritimes. Premièrement, je commence avec un groupe d'Halifax, Quiet Parade, qui ont lancé un album anglophone, si je ne me trompe pas, mais quand même, ça s'appelle Thunder. Allez voir sur ma page Facebook, vous avez un lien pour leur page Bandcamp. Donc, si vous allez sur ma page Facebook de Canrock, CANROCK, vous allez voir, vous allez tomber au milieu de la page sur un post de Quiet Parade. On va entendre la pièce « Nous étions ici ». Par la suite, on va entendre Tommy Bolger, que j'aime très bien, avec tout simplement sa chanson « Road Trip ». Dans jusqu'à demain. Tommy Bolger, jeune auteur, compositeur, interprète acadien que j'aime bien. J'adore son album, vraiment intéressant. Si je ne me trompe pas, son album devrait être disponible sur Distribution Plage, www.plage.net. C'est l'endroit pour se procurer de l'excellent produit acadien. Et Tommy Bolger, j'aime bien ça. Très surpris de ce jeune auteur-compositeur-interprète-là qui m'a envoyé son album. Et il y a vraiment de très bonnes chansons. Et on vient d'entendre Road Trip, vraiment, là, qui tourne sur les radios. Et c'est vraiment bien fait comme chanson. Donc, j'adore ça. On va changer de style, si vous voulez. On va aller dans le country, mesdames et messieurs. Et oui, le country. En ce moment, alors que j'enregistre l'émission, on est à la veille du 6e Gala Country au Québec, animé par MC Gilles. Ça va se passer du côté du Casino Mont-Tremblant le 19, 20 et 21 octobre. Et il y a plusieurs personnes, plusieurs artistes qui sont en nomination, dont quelques Acadiennes assez intéressantes. La charmante Amélia, on s'y retrouve avec plusieurs nominations et aussi. Donc, on va l'entendre dans quelques instants. Au bout du monde, pièce tirée de son deuxième album, qu'elle a écrit plus de chansons sur le deuxième album que sur le premier. Et c'est vraiment très, très bien fait. Donc, l'album Cultiver l'amour, intéressant. Amélia, allez voir ça, allez mettre la main là-dessus. Par la suite, on va entendre La Vin, belle chanson de Edith Buckler et Lise Aubu. Repris de façon un peu plus country sur l'album Welcome Soleil d'un autre auteur, compositrice, interprète intéressante, Annie Blanchard, qui commence à écrire des textes, commence à écrire des chansons, donc c'est bien parti pour elle. On va l'entendre La Vin dans quelques instants. J'ai marché dans la brumeuse et mes pattes jusqu'au talon. J'ai fait des pieds, j'ai fait des mille, suivi le soleil à l'horizon. J'ai vu des villages de fond en comble. Je te cherche au bout du monde. Franchi montagne et océan, les cheveux dans le vent, rêvant de mon corps entre tes doigts. Est-ce que je te ferais si t'étais là, ce que je donnerais pour une autre nuit avec toi? Je puiserai dans mes souvenirs pour trouver la force de poursuivre. Des bouts de nous dans mes refrains. J'ai traversé les grandes vallées jusqu'au bout de l'éternité. J'entends ta voix dans mon sommeil. Je t'imagine là, à mon réveil. J'essaie de continuer d'y croire. Je sais qu'il n'est jamais trop tard. Même si la route m'éloigne de toi, même si le temps fait mal parfois, mon cœur me mal plus vagabond. Tu cherches au bout du monde, au bout du monde. Je suis dans mes souvenirs pied, j'ai fait des mille suivis le soleil à l'horizon. Je fais tous les villages en fond en grand. Je te cherche au bout du monde. Au bout du monde. Voilà, Annie Blanchard, mesdames et messieurs, la 20, excellente chanson tirée d'un excellent album, Welcome Soleil, disponible un peu partout, dans les bons magasins, sur l'Internet, et aussi via Distribution Plage, www.plage.net, allez faire un tour, allez mettre la main là-dessus, donc très bon album pour Annie Blanchard. On va poursuivre et même terminer avec un autre compatriote de Annie Blanchard, l'Acadien Wilfred, qui, bon, ça fait une secousse qu'on n'a pas eu de ses nouvelles. Et puis là, ben, il nous avait sorti un extrait voilà que l'album est disponible. Et oui, 15 ans plus tard, le jeune premier est devenu un vétéran, c'est ce qu'on dit sur les médias sociaux. En quelque sorte, ça s'entend sur Wilfred, un cinquième album, si on peut reprocher à Le Boutillier de trop venir ses pièces folk aux tendances country. Eh bien, le charmeur a toutefois su, au fil des années, faire confiance à ses instincts plutôt qu'au mouvement actuel dans son genre de prédilection. Donc, on en dit beaucoup de bien. Il a travaillé, entre autres, sous la louette d'un Danny Placard, par exemple. Pour le bonhomme pourrait faire des ravages. Donc, c'est à surveiller. Cinquième album, déjà, de Wilfred Le Boutillier. Après 15 ans de carrière, Wilfred tout court. Donc, allez mettre la main là-dessus. C'est sûrement disponible sur Distribution Plage. On va terminer le bloc des Maritimes, si vous voulez bien, avec justement une chanson de cet album-là. Ça s'appelle « J'attendrai ». Et bien entendu, on va suivre ça de près. On va essayer d'avoir une copie de cet album-là pour vous le faire entendre. Et aussi, tout simplement, en faire un commentaire de disque, pourquoi pas. Donc, on termine notre bloc des Maritimes aujourd'hui avec le premier gagnant de Star Academy en passant, hein, voilà 15 ans. Ben voilà, avec 15 ans d'expérience, il nous offre de l'excellente musique. Voici Wilfred Le Boutillier et J'attendrai. Laisse tomber tes idéaux. Je serai le vent qui te pousse dans le dos. J'attendrai encore que tu reviennes. Brûler mon âme, brûler ma peau. J'attendrai encore que le feu reprenne. Ne changera pas le destin, mais pourquoi pas reconjuguer nos matins. J'attendrai encore que tu reviennes.